Bonsoir, c'est l'histoire. cheio de bacana. Je sers les coups, quand ils veulent. très bien maintenant. Mais c'est pas grave, celle-ci s'appelle Je m'emmerde. Je m'emmerde. Voilà. Derrière que devant. C'est lui qui le dit, hein. C'est lui qu'il faut faire mouiller. C'est vrai, c'est vrai. La prochaine est une prise de debout et là-dessus. Je reste comme un enfant, je serai triste. Thank you. Thank you. faire la reprise à la fin. Cette chanson s'appelle La plus belle chanson du monde. On va se calmer deux minutes. Vous êtes plus, vous allez faire un rayon de travail. Et si vous voulez voir l'air, Yeah.